salut ma copina. Vite à ta maison, ta mère, elle t'attend. Et roule ta bosse, ton père est bossu, sans faire ce que j'ai tapé sur sa bosse. Et roule ta bosse, ton père est bossu, sans faire ce que j'ai tapé sur son cul. Tu régnas sur les mers, jusqu'au tombeau, France mère adorée. Jalouse et fier d'imiter sa valeur, nous défendrons ta bannière sacrée sur l'océan. chant d'honneur. Sur l'océan qui fut son chant d'honneur. J'en bats, la voix de la patrie. Redis ta gloire et ton nom immortel. Et la cité qui te donna la vie érigera ta statue. Érigera ta statue en hôtel. Vive les enfants Jamba, ceux de femme Gaïa, pour les fêtes et pour les balles du carnaval. Vive les enfants Jamba, ceux sont de femme Gaïa, pour les fêtes et pour les balles du carnaval. Vive les enfants de Jamba, ce sont les femmes de Gaïa. Saint-Paul-sur-Mer, c'est sympathique.